donc le plan de notre nouvelle opération. Fred, 25 ans. Il est en couple avec une femme qui s'appelle Nina. 22 ans. Il la soupçonne de michetonner un mec. Le but, c'est de trouver qui il est. Donc, lançons l'opération Calimero. Ça, c'est VG, je me dégagne. Oh, oh. Arrête un peu de te plaindre, tu n'es pas Calimero. Fallait y réfléchir avant de finir au télo. Qui t'a envoyé là-bas pour donner ton dos? Assume tes bêtises, y'a pas de remise à zéro. Faut pas te plaindre, tu n'es pas Calimero. Fallait y réfléchir avant de finir au télo. Qui t'a envoyé là-bas pour donner ton dos? Assume tes bêtises, y'a pas de remise à zéro. Assume tes bêtises, y'a pas de remise à zéro. Faut pas te plaindre, tu n'es pas Calimero. Fallait y réfléchir avant de finir au télo. Qui t'a envoyé là-bas pour donner ton dos? Assume tes bêtises, y'a pas de remise à zéro. Semblant de rage, toutes tes copines elles t'avaient briefé. T'as écarté les jambes juste pour un fils de lâche. Lève les mains au ciel pour t'excuser. Ma chérie, sur le champ de bataille, les négros cherchent la faille. Y'en a combien qui ont failli pas se relever? Une flamme dans un château de paille. Ton cœur n'était pas de taille. Pour lui, tu n'étais qu'une pute de qualité. Cette fois, t'es la victime, ça y est. À combien de